L'automne est arrivé, mais il ne faut pas oublier de penser à notre retraite et surtout de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer l'équipe dynamique et sympathique de Service financier Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler de la Ligue junior régionale et midget régionale avec Danny Larouche, qui est le nouveau président de la Ligue JMS. Il remplace Pierre Gay. On sait qu'on a une chronique à toutes les semaines maintenant avec Pierre-Luc Martin, mais je voulais savoir comment que la Ligue est lancée cette année et à quoi s'attendre et comment il trouve le nouveau défi. On parle avec le nouveau président de Danny Larouche. Salut Danny! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, Danny, effectivement. Donc, nouveau défi pour toi. Faut dire que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu étais dans l'organisation, tu étais très proche de Pierre Guy, tu étais la matière grise de Pierre, comme on pourrait dire. Pas comme ça. Moi, j'ai été vice-président dans le temps de M. Maltais, puis avec Pierre aussi. Donc, tu sais, ça fait au moins 6-7 ans que je suis dans la Ligue. J'ai entraîné un peu dans le double lettre toutes les catégories à Jonquière. Fait que je suis dans le domaine du hockey depuis à peu près 25 ans. Donc, je connais un petit peu les rouages de la Ligue. Les dossiers, c'était un petit peu pas plus facile prendre la relève. Mais moi, j'ai accepté le poste à condition que Pierre revienne. Okay. Fait que j'ai aimé travailler avec, puis j'ai aimé, puisque Pierre, c'était vraiment le conflit de son garçon et son frère. Ben oui. Mais à part ça, regarde, ça allait super bien. C'était juste ça. Mais là, maintenant, regarde, début de saison, c'est gros. C'est tout le temps gros dans les GMS. Oui. Les équipes, là, ça prend ça à cœur, les organisations. Puis on a de plus en plus de la misère, hein, à faire des équipes de hockey là, avec le scolaire, il ne faut pas s'en cacher. Ben oui, mais est-ce que c'est la Ligue midget régionale a été le Marco Swab a été sauvé de peine et de misère. Est-ce que selon toi, je sais que vous êtes très impliqué, est-ce que c'est seulement remettre le bobo à plus tard ou il est vraiment sauvé pour plusieurs années? Non, ben nous, on a pris un petit peu la relève pour le Marco Sport parce que l'Hockey Mineur, c'est une nouvelle organisation. Ouais. Donc, déjà, partir une année avec toutes les catégories, c'est dur. Fait qu'on s'est dit, on peut le faire pour le midget, mais tout le temps avec en collaboration avec l'Hockey Mineur de Saint-Félicien. Mais nous autres, le premier mandat qu'on s'est donné, ce qu'on voulait comme personne, c'était pour au moins 3 ans. Okay. On voulait pas une affaire jusqu'au fait, une affaire d'un an, puis je reviendrai après, puis on va voir. On voulait quelqu'un qui accepte un mandat de 3 ans, puis qui accepte de développer une équipe et non 3-4 individus. Puis là, c'était important pour nous autres. La cohorte, comment qu'elle s'enligne pour les prochaines années? Moi, je comprends pas. C'est sûr que le hockey scolaire, c'est une grosse donne. Le hockey scolaire a changé bien des données, là. Mais ça s'enligne comment, là? Parce que il y a quelques années, il y avait 100 joueurs. Là. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le scolaire, oui, c'est beaucoup, mais les dernières années midget, les 17 ans, reviennent dans le midget 2B parce qu'ils ne peuvent plus faire le scolaire à part que le collégial. Puis ils reviennent tous dans junior 2A. Donc là, c'est nous autres, là, notre offre de service, il faut l'améliorer. Les 17 ans, regardez, ils reviennent dans... Je pense que Saint-Félicien, ils ont 6 ou 7 juvéniles qui reviennent l'année prochaine dans le midget 2B, finir le midget parce que c'est 3 années midget. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est plus le Pee-wee puis le Bantam, là, qui... Nous autres, c'est les 17 ans qui reviennent. OK. Souvent, c'est ce qui change les équipes là aussi. Non? Est-ce que au cours des dernières années, le Bantam, il n'y a pas d'équipe Bantam cette année à Dolbeau-Missassigny, les Castors, quelque part, je ne sais pas comment ça va donner là, au cours des prochaines années. Est-ce que tu es inquiète à ce côté-là? Oui. Je vais être franc, là. C'est inquiétant parce que nous autres, les équipes midget, si nos équipes midget ont de la misère, les équipes juniors automatiquement vont avoir de la misère, là. C'est un effet de chaîne, là. Donc, c'est pour ça que je pense que la Fédération Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous rencontre les ligues, Atom, Pee-wee, Bantam, midget, junior, voir comment qu'on peut travailler notre offre de service avec peut-être le scolaire. Parce qu'on sait que cette année, du côté scolaire, il y a une équipe hybride dans le cadet qui va jouer dans la Ligue Bantam. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est intéressant. Puis si c'est bien, ça, on aimerait ça aussi du côté midget, qu'on embarque au moins une équipe scolaire ou deux aussi l'année prochaine. Puis je pense qu'il faut travailler conjointement ensemble. Il faut trouver un moyen. Puis au bout de la ligue, faut que les jeunes jouent du hockey. Mais à quelque part, est-ce que c'est vraiment on est-tu rendu à la croisée des chemins? J'en parlais il y a quelques semaines avec des gens. Tu sais, ça fait longtemps qu'on entend dire que le hockey scolaire c'est l'avenir et ainsi de suite. Puis on se trompe pas d'histoire là. Il y a bien des bénévoles qui sont coachs, c'est des parents de joueurs. Vous avez toujours de la misère. Tandis que le hockey scolaire, il n'y a pas ce côté-là. Est-ce que vraiment là, on est à la croisée des chemins de ce côté-là? Peut-être, mais d'une certaine manière, au bout de la ligne, ça, il va tout le temps rester du monde qui sont pas prêts, ou ils ont pas les moyens de payer tout ça là aussi. Là. Puis faut les respecter. Puis c'est pas une question, c'est-tu un bon joueur, un mauvais joueur, là, parce que c'est dur économiquement aussi. Fait que à quelque part, il y a des joueurs peut-être qui sont bien intéressés à aller scolaire, mais ils jouent au civil parce que ça revient moins cher un petit peu. Puis où le temps, il y a des parents qui aiment ça s'impliquer, il y a des parents. Moi je pense que le civil va toujours avoir sa place, mais c'est juste qu'il faut cohabiter ensemble puis bien le faire aussi. Là, c'est OK, OK. Dis-moi, y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent, des nouveautés? Est-ce qu'il va y avoir des matchs intra-ligues? Du 8 au 10 novembre, on fait notre showcase pour la première année. Ouais. C'est à partir du vendredi soir au dimanche soir, c'est du mélange midget junior. On le fait pour la première année. Les équipes de la Côte-Nord vont être ici, Chibougamau, tout le monde. Ça va jouer tout en 2 et 4 matchs, là, les équipes. Je pense que c'est bien. C'est à l'Arena Marina Larouche, excusez. Okay. Puis après ça, on va, si tout va bien, si on revient l'année prochaine, on veut être au Lac Saint-Jean. Okay. Faire une année Saguenay, une année Lac Saint-Jean. Fait que, puis on a déjà des demandes des équipes du Lac Saint-Jean pour nous recevoir l'année prochaine. Mm. Fait que du côté showcase, c'est ça c'est notre gros nouveau là qu'on a. Okay. Fait que, puis parce qu'on a mis beaucoup d'efforts avec le club de Robertval, puis le club de Saint-Félicien en début de saison. Fait que, puis on voulait pas délaisser tout le monde aussi. Fait que, puis on a beaucoup de nouvelles organisations médiates. Fait que ça a été de tout trop de ça. Puis dis-moi, nous, on fait aussi. Est-ce qu'il va y avoir des équipes de Québec? Est-ce qu'il peut y avoir des équipes de Québec qui des matchs, exemple, Québec vient jouer contre Normandin à Normandin, mais ça compte au classement général? Est-ce que ça, c'est rêvant en couleur, ça pourrait arriver un jour? On l'a regardé. Okay. J'ai discuté personnellement avec un président de ligue à Québec. Okay. Okay? Lui, sa ligue, faut pas qu'il joue à plus que 45 minutes de route. OK. Puis c'est des choses qui veut apporter à leurs équipes, supposons 2 matchs une fin de semaine ici, puis nos équipes iraient 2 matchs, mais parce qu'il faut trouver une ligue qui a les mêmes règlements que nous, hein, des 20 minutes, des prolongations fusillades, puis à Québec, c'est pas tout ça, là. Puis on veut pas aller aussi à l'autre bout de Québec, puis on veut pas aussi nos équipes, mais c'est des choses qu'il faut être ouvert, puis qu'on aimerait bien faire, puis on a déjà commencé des discussions, là, mais alors, ça va-tu débloquer? Ça amènerait une belle nouveauté, ça amènerait quelque chose, tu sais, j'en ai parlé l'année passée avec le président de la Ligue du Lac-au-Fleuve, puis je me disais, ça amène une nouveauté, tu sais, une expansion, c'est quasiment pas pensable, mais par contre, tu peux avoir une affaire demain, des matchs qui comptent au classement général, ça pique la curiosité, et ainsi de suite, là. Exactement. Puis, autre chose à ajouter, peut-être? Y a-t-il d'autres choses qui s'en vient également? As-tu de la misère à trouver du côté des bénévoles cette année? Ça a-tu été dur? Du côté bénévole, nous autres, le CA de la Ligue, on a à peu près tout le monde a resté. OK. C'est vraiment, on a Pierre-Luc, le nouveau relationniste, que je trouvais que c'était important d'aller chercher quelqu'un qui s'occupe du côté média, parce qu'il faut se faire voir, il faut se faire parler de nous de les bonnes manières. Fait que je trouvais ça important. Son acquisition, c'est un petit gars qui fait des années, bon, il est jeune. Exactement. Fait qu'il emporte des nouvelles idées, il emporte de nouvelles choses. Puis c'est ce qu'on veut, nous autres, le CA. Puis on veut que nos équipes là, soient enthousiastes là, vers ça. Là, qu'on soit vraiment contents des nouvelles choses qu'il faut emporter. Est-ce qu'on pourrait avoir, c'est sûr qu'on est en crise média, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des articles de temps à autre sur la Ligue JMS dans le quotidien? Moi, je suis très ouvert à ça. Je suis probablement le plus ouvert, ça me gêne pas de le dire, là, de la Ligue JMS. Depuis le début, mais il n'y a pas juste moi. Il ne faut pas qu'il y ait juste moi. Il faut qu'il y ait les médias sociaux, mais il faut qu'il y ait les grands comme le quotidien. Est-ce que d'autres médias ont été approchés pour des chroniques semblables, faire parler plus de la Ligue GMS et ainsi de suite? Oui, avec Dave Hensley, ouais. Pour le quotidien. Pierre-Luc va y envoyer une genre de ce qui s'est passé, une rétrospective à toutes les fins de semaine. Il va l'envoyer lundi. Il va avoir une chronique durant la semaine dans le quotidien. Ça, c'est déjà réglé. Après ça, il va y avoir Michel Thibault. C'est la même chose. On envoie quelque chose à Michel Thibault. Puis lui, il va dire là, une dizaine de secondes qu'est-ce qui s'est passé dans la Ligue GMS en fin de semaine passée. Là. Okay. Puis après ça, on va essayer de développer d'autres choses aussi. Puis on veut faire parler de nous autres. Là. Ben, c'est vraiment, là, on veut que le monde nous voit pour aider les équipes, là, mettre un peu de spectateurs. Parce que de ce côté-là, c'est dur. Il ne faut pas oublier que c'est avec ça que nos équipes vivent. Hein. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben, Danny, on va te souhaiter la meilleure des chances dans ton prochain défi, dans ton défi cette année. Je pense que c'est un défi que ça va bien aller. T'es en connaissance de cause. Et gêne-toi pas, c'est sûr qu'on a une chronique avec Pierre-Luc, on a également des chroniques régulières avec les Castors, les Sables de Roberval. Gêne-toi pas, on est là pour ça. Ben, il n'y a pas de problème. Puis moi, avec le CA que j'ai, là, je suis très bien entouré là, des personnes ici, bah, c'est Michel Garneau, Pierre Gay, Pierre-Luc Martin, notre secrétaire Marie-Josée Bouchard. Je suis bien entouré là, de personnes d'expérience, puis que c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Là. C'est allégé tout le monde un peu. Oui. Danny, un gros merci pour s'en parler. C'est moi qui te remercie, Danny. Le président de la Ligue GMS, Danny Larouche.